fille du printemps, tendrement je t'attends. Fille de l'été, au corps ensorcelé. Fille de l'automne, dans la nuit tu te donnes. Fille de l'hiver, et femme mon univers. Elle vit près de moi, la fille des saisons. Elle a pris mon âme et guide ma raison. Elle dort avec moi, la fille des saisons. Elle est cette dame qui m'ouvre l'horizon. Fille du soleil, souvent du même merveille. Fille de la lune, nos joies ne font que qu'une. Fille de la neige, au regard éternel. Fille de la pluie, j'aime te voir sourire. Elle vit avec moi, la fille des saisons. Elle a pris ma flamme qui brûle ma passion. Elle chante avec moi à travers mes chansons. Elle a tant de charges qu'on ne peut lui dire non. Lui dire non.